Salomon, oh Qui laisse ça? Moi pas attendre. Ou même comme ça. Ouvre-moi comme ça. Ma pas ou comme ça. La bambilé. La pawezé. La bambilé. La pawezé. La bambilé. La pawezé. La bambilé. La pawezé. Qui laisse ça? Moi pas attendre. Ou même comme ça. Ouvre-moi comme ça. Ma baoule comme ça. La bambilé. La baouézé. La bambilé. La baouézé. La bambilé. La baouézé. La rentrée en Haïti, mais dans la main, rien pas dérangé. La bambilé, la pawezé, la bambilé, la pawezé, la bambilé, la pawezé, la bambilé, la pawezé. Abuya, belle Martinique, Cap Mabuya, Abuya, Mabuya, une belle Canadienne. relé, ma foutre relé, comme content, la bambilée, ma meubée de vent, du fer sur la.